Alors, nous parlons des événements charnières dans la vie. Vous connaissez ça? Quand vous vous mariez, quand vous vous divorcez, votre premier job, votre première mise à pied, c'est des événements charnières. Mais il y en a d'autres, en avoir d'autres aussi. Quand on rencontre la conscience la première fois, puis quand on se pose les premières questions sur sa validité à long terme, fait que l'évolution d'un individu, c'est rempli d'une multitude de questionnements. Et nous recevons Bernard ce soir pour nous entretenir sur toutes ces phases de transition que l'on vit, les événements charnières dans la vie. Bernard de Montréal. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Vous avez de l'air drôlement en forme ce soir. Pas mal. Il doit y avoir un événement charnière qui tiendra à la porte. Ça va être dans vos questions. Oui. On va essayer de tenir la porte ouverte. L'évolution Bernard d'une personne passe par des grosses transitions. Et puis, il y a des événements qui marquent plus que d'autres. Tu sais, il y a des situations, on dirait. Quelque chose se passe là, dans la vie, et puis on prend une autre direction. Est-ce qu'il y a des particularités dans le phénomène des événements, on parle des événements charnières, est-ce qu'il y a des particularités pour que certains événements soient plus marquants que d'autres? Est-ce qu'il y a des choses qui se créent ou qui s'accumulent dans la vie d'un être pour qu'à un certain moment donné, un point doit se faire dans la vie d'une personne? Est-ce qu'exemple, une accumulation de souffrance provoque un événement charnière? Est-ce qu'il faut des événements clés, là, des bouleversements? Je parlais aux gens tout à l'heure d'un mariage, un divorce, une première job ou ces choses-là. Est-ce qu'il faut des événements qui marquent la vie d'un individu pour que l'individu sente que sa vie prend une nouvelle direction, ou est-ce que sa vie est vraiment de ses mains? Est-ce qu'on subit des événements qui deviennent des directions dans notre vie, ou est-ce qu'on a l'aptitude, en tant qu'être, de décider que, bon, aujourd'hui, c'est une journée charnière, là, c'est une journée importante, ça va être une journée importante, on décide sans se lever, ou bien si c'est le contraire, on est transporté par les événements. Intéressant, ça. Faut partir du principe que L'homme ne vit pas la vie comme une science. L'homme vit la vie plutôt comme un état psychologique, okay. Un état mental. Il ne vit pas la vie comme une science. Puis la raison pour laquelle il ne vit pas la vie comme une science, parce que l'homme, dans un sens, même s'il a beaucoup d'expérience, l'homme demeure toujours un être naïf. Mm-hmm. Puis quand je dis naïf, je veux dire que sa conscience est assise sur des failles. L'être humain a des failles. Quel que soit son signe, il a des failles. Puis il va agir dans la vie selon ses failles, parce que les failles deviennent pour lui, dans leur ensemble, les points de moindre résistance. Mmh. Un homme qui est orgueilleux, bon, mais l'orgueil pour lui c'est un point de moindre résistance. Un homme qui est charitable, faussement charitable, ça devient pour lui un point de moindre résistance. On a tendance à aller dans la vie à utiliser en nous les points de moindre résistance. Et ça nous fait commettre ce qu'on appelle des erreurs. Des erreurs, quand je parle d'erreurs, je ne veux pas dire d'erreurs dans le sens psychologique du terme, dans le sens valoriel du terme. Pour moi, une erreur, c'est une façon d'agir qui n'est pas aussi intelligente qu'une autre. Donc, c'est une erreur. Mm-hmm. Fait que, dans la vie, on agit d'une certaine façon qui nous fait commettre des erreurs parce qu'on est naïf. Puis être naïf, c'est parce qu'on connaît pas on n'a pas la science. On ne sait pas comment ça fonctionne, la vie. C'est réellement, on vit la vie d'une façon expérientielle, on ne vit pas la vie d'une façon créative. Donc, à ce moment-là, on n'est pas capable, au début, de devenir nous-mêmes les juges de comment la vie doit aller. Pour que l'homme en arrive à déterminer comment sa vie doit aller, il faut que ces failles-là disparaissent. Pour qu'elles disparaissent, il faut qu'ils souffrent. Okay. Bon, ben, quand l'homme souffre, vous autres, vous dites, bon, ben, j'ai vécu de l'expérience, parce que l'expérience, c'est toujours de la souffrance. Mm-hmm. Mais éventuellement, l'homme, surtout un homme qui est averti, un homme qui prend conscience de tout ça, éventuellement, plus le temps avance, moins il est intéressé de souffrir. Donc, plus ses artères durcissent. Plus un homme devient conscient, plus il devient Dieu. Pas Dieu dans le sens psychologique du terme, mais Dieu dans le sens du mental froid. Il devient froid, mentalement. Donc, à ce moment-là, il est capable de prendre des décisions qui sont réellement froides, des décisions qui ne sont pas... qui sont de moins en moins basés sur ses faiblesses caractérielles, sur ses failles astrologiques, sur ce que j'appelle le sentiment de son intelligence, ou le sentiment dans son intelligence. Fait qu'éventuellement, ça lui permet de corriger sa programmation, puis éventuellement de sortir de sa programmation, puis finalement d'en arriver à vivre comme il veut, lui. C'est-à-dire selon son potentiel créatif, qui ne l'affecte plus mentalement, émotivement, physiquement. Donc, sa santé est safe, son mental est safe, ses émotions sont safe. Mais pour ça, il faut que l'homme prenne des décisions très radicales. Bon, prendre des décisions radicales dans le sens d'être conscient, c'est pas facile parce que on a été habitué au cours de l'évolution à pas vouloir faire de la peine aux autres dans nos décisions. Et ça, ce mécanisme-là qui fait partie de notre culture, de pas vouloir faire de la peine aux autres, c'est très grave. Parce que éventuellement, on prend des décisions qui ne sont plus intelligentes. Parce qu'on met de l'émotion dans le mental, donc on n'a plus le mental froid. Donc à ce moment-là, ben, on vit de l'expérience. Je donne un exemple, je lisais quelque chose derrière moi. Il paraît qu'au Japon, quand tu arrives au Japon et tu veux donner ta carte d'affaires à un Japonais, il faut que tu la prennes par deux mains. Tu prends ta carte comme ça, là, tu la tiens dans tes deux mains, il faut que tu lui donnes comme ça. Puis lui, c'est la même chose, s'il donne sa carte d'affaires. Puis quand il donne sa carte d'affaires, il faut que tu la lises, il faut que tu l'étudies, la carte. Tu ne fais pas simplement la prendre et la mettre dans ta poche. Il faut que tu la regardes, la carte d'affaires qui vient de te donner. Il faut que tu l'étudies. Sans ça, pour eux autres, c'est un affront, c'est un faux pas. Fait que ça devient compliqué. Tu comprends ça? Fait que moi, je vais au Japon, puis je donne ma carte d'affaires au Japonais. Tu penses-tu que je vais lui donner ça entre les deux mains? M'a tenu ça de main, pour lui donner ça de main. Non, je vais lui donner comme je donne. Je vais garder mon mouvement naturel. Si lui, il est offusqué, c'est tout bad. Je vais reprendre mon bateau, puis je vais m'en revenir ici. Autrement dit, je vais pas conditionner mon mental à un mental évolutif qui est tellement primitif dans l'intelligence que ça me force, moi, en tant qu'individu qui appartient à une autre race puis à une autre façon de vivre, de m'assujettir à sa vibration. Puis on fait toujours ça. Fait que moi, si je donne la carte de même, puis ça y prend les deux doigts, mais je suis pas intéressé à faire avec un gars de même, parce que pour moi, déjà, il est plein de marde. Tu comprends-tu? Fait qu'à ce moment-là, je suis pas intéressé, moi, à travailler avec quelqu'un qui est plein de marde. Comme on dit, je suis pas intéressé à travailler avec un étranger qui est pas assez décortiqué dans le mental, là, pas assez flexible dans le mental pour prendre la carte et la mettre dans sa poche. Donc là, sans ça, là, je tombe sur le rituel d'une autre nation, je tombe sur le rituel d'une autre race. Là, je viens sortir de la conscience de ma race, puis je vais être obligé de rentrer dans la conscience de l'autre race. Donc à ce moment-là, j'aime autant rester ici. Comment tu veux dire? Ou je vais me chercher un Japonais qui est américanisé un petit peu, ou européanisé un petit peu, ou qui a voyagé un petit peu. Bon. Mais ça, supposons que je suis un homme d'affaires, il faut que je sois capable de le faire. Fait que si je suis un homme d'affaires, moi, je suis capable de le faire. Fait que si Japonais, il vient tout dégonfler quand je donne la carte avec une main. Ça, c'est son crise de problème. C'est pigné. Mais si je suis pas capable de faire ça, puis je commence à étudier tout le rituel, je suis pas politicien, moi. Tu sais, j'ai pas de responsabilité culturelle, moi. Je travaille pas pour le gouvernement. Je suis pas un ministre. Si j'étais un ministre, j'aurais obligé de dire au gars, ben, cherchez comment ça marche là-bas, les Japonais là-bas, là, quand tu donnes des cartes, comment est-ce qu'il faut faire ça? Parce que là, j'ai une responsabilité sociale. Là, il y a une connexion de pays à pays. Il y a un respect de pays à pays. Mais là, je fonctionne en tant qu'individu. Fait que si je suis plus évolué que lui, c'est à lui de commencer à prendre des cartes d'une main au lieu de les prendre de deux mains. Puis me forcer des lits quand tu m'en donnes une. Sans ça, il n'y a pas d'évolution possible. Fait que c'est quand il n'y a pas d'évolution possible, ça descend jusque dans la conscience de la race, puis tu arrives avec des problèmes comme on a là, les Japonais qui disent, bon, ben, si nous, au Japon, le riz, c'est sacré, puis on n'est pas intéressé à prendre du riz qui vient des Américains, même si le riz qui vient des Américains est meilleur, ou même si le riz qui vient des Américains est moins cher, parce que le riz chez nous, c'est sacré. Fait que tu peux pas rentrer de riz, tu peux pas rentrer de char, tu peux pas rentrer de ci, tu peux pas rentrer de ça. Eux autres, ils se promènent avec leur caméra dans le monde, ils viennent photographier nos industries, sortent de là-bas, ils recopient, ils nous les revendent, puis finalement, ils mettent nos industries à terre, l'automobile, la télévision, la radiophonie, papapapapapapa, puis nous autres, comme des cons, on absorbe ça, parce que on joue le jeu de passer la carte avec deux doigts. Fait que là, Clinton n'a plein de cul, là, on voit ce qui se passe, là. Tous les Lexus, les Acura, les chars de luxe, là, ils vont leur taper 100% de taxes dessus. Fait que, ils vont les forcer, ils vont les casser à jouer le jeu de l'économie mondiale dans une idée de partenariat égal. Fair play. Sans ça, c'est nous autres qui payons le prix, puis les Américains l'ont payé, le prix au niveau de l'industrie automobile, au niveau de l'industrie de la télévision, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Fait que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si tu n'as pas un mental froid, tu agis toujours en fonction de ne pas faire de peine à l'autre. Mm-hmm. Fait que l'homme d'affaires américain ne veut pas faire de peine à l'homme d'affaires japonais. Fait que qu'est-ce qui arrive? On est rendu avec ce qu'on a là. Mm-hmm. Au niveau de la vie, c'est la même chose. On ne veut jamais faire de peine à l'autre, on ne veut pas faire de peine à l'autre, on ne veut pas faire de peine à l'autre. Puis qui c'est qui finit par payer le prix? C'est nous autres. C'est toujours nous autres qui payons le prix. Puis il y a des gens qui ont payé le prix toute leur vie parce qu'ils ne voulaient pas faire de peine à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un mental organisé, ils n'ont pas un mental fort, parce qu'ils ne connaissent pas les lois de la vie, dans les lois du mental, dans les lois de la conscience mentale, ça n'existe pas, ça, pas faire de la peine à l'autre. Mm-hmm. Ça fait partie de la judéo-chrétienté de ne pas faire de la peine à l'autre. C'est la peur de perdre, c'est qui fait ça. Ça fait partie de la peur de perdre, puis par, aller à l'enfer, toute la bébelle, là. Mais quand t'es intelligent, puis t'es créatif, ça n'existe pas, c'est l'affaire de pas faire de la peine à l'autre. Il y a une façon intelligente d'agir, puis l'autre, il faut qu'il s'ajuste. Puis s'il ne s'ajuste pas, c'est son problème. Sans ça, il n'y a pas d'évolution. Puis s'il n'y a pas d'évolution, ben, on reste pogné dans des engrenages socioculturels qui peuvent durer des générations, des siècles, puis on n'en sort pas, puis il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'intelligence. Puis l'individu, il finit où, lui? Ben, il finit sans grenage. Mm-hmm. Donc la peur de faire de la peine à l'autre, ça paralyse le processus décisionnel chez quelqu'un. La peur de faire de la peine à l'autre, ça paralyse le processus décisionnel, puis c'est tout basé sur le principe de la culpabilité. C'est basé sur le principe de l'impuissance. Mm-hmm. Puis ça relève, dans le fond, de la domination de la médiocrité. Comment la médiocrité? La médiocrité est la majorité. Okay. Tout ce qui est majorité, tout ce qui est médiocrité, c'est tout la majorité. Mm-hmm. Si le gouvernement arrive et il décide de couper des fonds d'ordre social, des entitlement programs, qui c'est que tu penses qu'ils vont créer? La majorité. Mm-hmm. Qui c'est qu'ils vont créer? C'est les pauvres. Mm-hmm. Qui c'est qu'ils vont créer? C'est ceux qui ont pas de colonne de travail, colonne pour travailler. Mm-hmm. Fait que pourquoi est-ce qu'on est en dette? Parce que la majorité est devenue trop puissante, le libéralisme est devenu trop universel, et ainsi de suite. Fait que pourquoi c'est un grand renversement aux États-Unis, là? On s'en va vers le conservatisme avec Gingrich et tout ça, là. C'est parce que là, les Américains commencent à revenir, là, à l'ancienne idée de l'entrepreneurship. Mm-hmm. Des hommes qui travaillent, qui ouvrent des petites entreprises, blablabla. Fait que l'affaire de ne pas faire de la peine à l'autre, ça va très loin dans la vie. Puis éventuellement, mais quand tu n'es pas capable. Quand tu n'es pas capable de renverser ce processus-là, là, qui est une attitude socioculturelle, qui est maintenue par des systèmes spirituels, par des systèmes philosophiques, par des systèmes de pensée quelconque, mais éventuellement, tu perds toute centricité, puis la première chose, tu sais, bon, tu finis sans corde à linge. Parce que tu es forcé d'agir en dehors de ta puissance créative. Mm-hmm. Puis l'homme va réaliser un jour que être intelligent, dans le sens créatif du terme, être intelligent, ça nécessite automatiquement la capacité de temps en temps passage. Faut que tu coupes des fils, parce que le processus naturel de la vie, c'est un processus qui a tendance à polluer. Tout se pollue parce que l'énergie a tendance à dégrader, à dégrader, à dégrader, à dégrader, à dégrader, à dégrader, à dégrader. Mm-hmm. Fait qu'un jour, ben, faut que tu regrades, puis dégrades, puis dégrades, faut que tu regrades, puis dégrades, puis dégrades. Mm-hmm. Fait que si tu. C'est comme à la maison, quand tu es à la maison, faut que tu fasses un nettoyage, de temps en temps, faut que tu enlèves de poussière, de temps en temps, faut que tu changes des meubles, de temps en temps, faut que tu changes de linge dans ta vie, de temps en temps. Bon, ben, au niveau de tes relations humaines, au niveau de ta vie, au niveau de ton travail, au niveau de la fonction, la façon de travailler avec les hommes, de temps en temps, faut que tu fasses du clean-up. Mm-hmm. Fait que si t'es pas capable de faire ça parce que t'étais conditionné socioculturellement à pouvoir faire de la peine, mais tu finis que t'as plus d'individualité. Regarde les Japonais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de volonté politique au Japon? Parce qu'il n'y a personne qui veut faire appel à personne. Fait que quand il y a des grandes décisions à prendre, ça passe d'un département à un autre département, un autre département, un autre département, un autre département, puis il n'y a pas de décision qui se prenne. Ils ont toujours la tête penchée jusqu'aux pieds. Tu leur dis, comprenez-vous? Ils vont dire oui. Ils ne comprennent rien, mais ils ont toujours dit oui. Tu peux pas jouer ce game-là forever. Comprends-tu? Oui. Parce qu'ils ne veulent pas faire de peine. Tu veux savoir, tu comprends-tu ou tu ne comprends pas? Fait que moi, un Japonais qui va me dire, si je dis tu comprends-tu, il va me dire non, oui. Puis si je sais qu'il ne comprend pas, il me dit tu ne comprends pas. Il va dire oui. Ah, c'est ça, je veux que tu me dises que tu ne comprends pas. Là, je viens d'enlever la responsabilité de me dire qu'il ne comprend pas. Tu vois, c'est fatigué. C'est bon. Fait que. C'est bien fatigué. Maintenant, vous êtes en train de nous dire que. Je suis en train de vous dire que les Japonais sont pleins de mal. Bon, moi, je ne suis pas un policier, je peux le dire. Bon, pourquoi est-ce qu'ils sont pleins de mal? Ils sont pleins de mal parce qu'ils ne sont pas capables de prendre la responsabilité psychologique de leur moi. Ils sont obligés d'étendre ça comme du peanut butter, puis d'établir la responsabilité au niveau de la collectivité. Mm-hmm. Mais les Américains vont leur rentrer dedans parce que ça rend, c'est la raison sociale, c'est la mission universelle de l'Amérique de rentrer dedans à tout le monde qui ne respecte pas l'individualité. Les Américains vont leur rentrer dedans. Parce que les Américains, d'une façon ou d'une autre, they don't give a shit. Puis pour être plus gros, they don't give a fuck. Fait que les Américains, quand ils décident de faire la guerre, ils leur ont laissé tomber une coupe de pruneaux en 45, là, ça a réglé l'affaire tout de suite, hein, ils n'ont pas demandé la permission aux Nations Unies, hein, pouf! Puis après ça, ça a laissé à tout le monde savoir, les Russes comme les Chinois, qu'ils sont capables d'en dropper un autre petit pruneau. Fait que restez tranquille, respectez-les les droits de l'homme, parce qu'on va dropper un petit pruneau. Fait qu'ils l'ont fait avec Kadhafi, avec des petits pruneaux moins dangereux, puis depuis ce temps-là, ils sont tranquilles, hein, fait que c'est le même que ça marche. Pis c'est pour ça que j'aime les Américains. J'aime pas les Américains à cause de leur matérialisme crasse. J'aime les Américains à cause de l'esprit de leur constitution. Qui veut dire « Don't fuck with us. Don't fuck with the liberty of man. » Puis ça s'en va, puis ça s'en va dans le monde. Ça s'en va à travers la communication, la télévision, the news, tout. Fait qu'éventuellement, les petits Japonais, un jour, ils vont être obligés de s'organiser, de s'américaniser. Puis c'est ça qui se passe anyway. Là, ils sont rendus qu'ils rentrent des clubs de baseball au Japon, ils rentrent des clubs de golf au Japon. Mais un jour, ils vont être obligés d'ouvrir leur porte pour que, aussi, les Américains et les Européens puissent vendre leurs automobiles au Japon. Ça s'en vient. Regarde, bien, la guerre du commerce, là, ça fait toute partie de ça. Puis, qui c'est qui va gagner? Ça va être les Américains. Ils can be sure of that. Pourquoi? Parce que, dans le monde, dans l'évolution d'une planète, comme dans l'évolution d'un individu, quelque part, faut que les conneries s'arrêtent. Que ce soit des conneries culturelles qu'on appelle le folklore, que ce soit des conneries culturelles qu'on appelle l'histoire, que ce soit n'importe quelle sorte de conneries, faut que ça arrête parce que la conscience, faut qu'elle grandisse. Faut que les nations s'unissent, faut que les nations travaillent ensemble, ainsi de suite. Puis il y a des pays, comme les États-Unis, dont le rôle, su ou pas su, est de faire ouvrir la machine. Puis ils vont faire ouvrir la machine. Fait que tu peux pas passer toute ta vie à être fin, puis à être fin. Puis à être fait, parce qu'éventuellement, tu n'exerces plus ton droit de puissance. Puis si tu n'exerces plus ton droit de puissance, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la majorité qui gagne. Puis la majorité, c'est la médiocrité. Là, vous allez dire, bon ben, M. Lamar, vous n'êtes pas bien démocratique. C'est pas que je ne suis pas démocratique, je suis tout pour la démocratie, mais je suis contre l'abrutissement de la démocratie. Je suis contre l'abrutissement mental, des gouvernements, surtout des libéraux, qui ne sont pas capables de prendre conscience qu'il y a des règles, qu'il y a des façons de traiter avec certains problèmes. Il y a des façons de traiter, par exemple, avec les lois d'immigration au niveau d'une nation. Tu ne peux pas laisser indéfiniment rentrer dans ton pays des crottes. Un jour, faut que tu prennes des décisions. Je connais des gens, moi, qui ont été refusés d'entrer au Canada, des gens qui avaient du cerveau, rentrer au Canada pour travailler, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont venues d'autres pays qui ne devraient même pas être ici. Puis les gouvernements prennent leur responsabilité d'éduquer leur peuple. Fait que quand il s'agit de faire entrer des gens au Canada, dans notre pays, il faut que les gouvernements soient bien, bien intelligents, parce qu'éventuellement, eux autres, ils vont mourir, ces gars-là. Puis seulement, c'est les générations plus tard qui vont payer le prix. On sait ce qui se passe en France, là. On sait ce qui se passe en Allemagne. C'est la même chose dans n'importe quel pays. On sait ce qui se passe dans le sud des États-Unis. Les gouvernements vont être obligés de prendre des responsabilités. Ça veut dire que les gars, un jour, vont être obligés d'ouvrir le lien. Puis quand il s'agit de mettre un stop, ils vont être obligés d'en mettre un stop. Sans ça, c'est la majorité. C'est encore la loi de la majorité. Fait qu'à ce moment-là, ça sert à quoi une démocratie? Ça sert à rien parce qu'éventuellement, la conscience sociale, elle diminue, elle dégrade, elle dégrade, elle dégrade, elle dégrade. Mm-hmm. Tu vois pas ça en Suède puis en Norvège, du monde qui vient de tout partout dans le monde. Ils ont un quota puis en plein temps. Je suis sûr que si tu veux aller aujourd'hui, toi, en Norvège ou en Suède, pour immigrer là, ils passeront au rayon X chose pour voir si t'es du matériel qui est utile dans leur pays. Mais nous autres, le Canada, on va être fin. C'est du quoi ce qu'on va être fin au Canada? Parce qu'on n'est pas une puissance économique, on n'est pas une puissance militaire, on n'est pas entre l'Europe et les Américains, puis on veut se donner une image à la Pearson, là. Une image. On est fin, nous autres, les Canadiens. On est du bon monde, les Canadiens. C'est vrai que c'est grand, le Canada. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de monde par pouce carré au Canada. Mais choisis-les pareil. Sans ça, éventuellement, qui c'est qui va payer les taxes? Ça va être nous autres. La dette fédérale, c'est nous autres qui va payer. Fait qu'il s'agit d'être... Tu ne peux pas toujours être fin. Puis ce que je reproche à la politique canadienne, c'est que nos politiciens vont être fins. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. Si on prend un individu, ce serait quoi pour lui l'opinion publique? Par rapport à ses... Pour un individu? À ses décisions à lui. Là, on parle d'un gouvernement face à un pays, mais nous autres, qu'est-ce qu'on laisse entrer? C'est quoi notre immigration en tant qu'individu qu'on laisse rentrer dans nos vies et qu'on veut être fin, là? T'sais? Toutes les cons. Toutes les gens qui rentrent dans notre vie qui sont cons, toutes les gens qui rentrent dans notre vie qui nous siphonnent, toutes les gens qui rentrent dans notre vie qui sont pas honnêtes, toutes les gens qui rentrent dans notre vie qui, en relation avec nous autres, nous aident pas à créer et à bâtir, mais qui sapent par en dessous, puis qui sapent par en dessous. Allez, par quel niveau? Ces gens-là, ça fait partie des mauvaises politiques d'immigration. Fait que si tu contrôles pas ta politique d'immigration au niveau de toi-même, t'es fait à l'os, un jour tu vas faire des crises, un jour tu vas t'appauvrir, un jour tu vas être malade, parce que c'est encore pire au niveau individuel, parce qu'il y a des liens émotifs, là. Il y a des liens émotifs, puis éventuellement, mais tu vas t'appauvrir tellement que tu peux être affecté au niveau de ta santé, tu peux être affecté au niveau matériel, et ainsi de suite. Les signes, maintenant. Les signes? Ouais. Oh, ça c'est une bonne question. Les signes, t'es vois pas venir. T'es voué pas venir. C'est ça qui c'est ça que l'affaire. Puis je suis bien content que vous me posiez cette question-là. T'es voué pas venir. Mais je préconise que tout le monde doit passer par ça, puis éventuellement t'en arrives à un état mental tellement averti que là t'es voué venir. Mais tu peux pas les voir venir avant parce que t'as pas souffert. Bon, faut souffrir du virus pour reconnaître le virus. Faut que tu souffres du virus pour reconnaître le virus. Puis quand tu as souffert du virus, puis tu as reconnu le virus, tu es intelligent, tu connais le virus, à ce moment-là, quand quelqu'un vient dans ta vie, laisse-moi te dire, là, tu es égal. Là, tu es égal. Puis c'est très intéressant ce point-là parce que on n'est pas éduqué par nos parents pour reconnaître le virus. Ça veut dire qu'on n'a pas d'historique. Mm-hmm. On n'a pas d'historique pour reconnaître le virus. Tout est à fait. Si on avait des parents qui reconnaîtraient le virus, à tous les niveaux, là. À ce moment-là, ben, on pourrait le reconnaître le virus, on pourrait régler notre travail tout de suite, on pourrait commencer à s'enrichir quand on est jeune. Puis on ne vivra pas d'expérience, même quand on est jeune. Mais comme on est nos parents ne sont pas assez conscients, mais ils ne sont pas capables de nous faire comprendre, nous faire prendre conscience du virus, parce que même eux autres, ils n'ont pas fini encore leur apprentissage du virus. À ce moment-là, nous autres, les enfants ou ceux qui viennent après, ben, on est forcés de vivre encore la même situation. Mm-hmm. Fait que c'est très... dans le cas de l'homme qui se conscientise, là, puis finalement, il a souffert suffisamment du virus, éventuellement, tu le reconnais le virus, puis une fois que tu l'as reconnu le virus, laisse-moi dire que les lois de l'immigration, tu les appliques, puis tu protèges ton pays. Ou, normalement dit, tu protèges ton personne. Oui. Mais il faut souffrir du virus. Oui, parce que c'est seulement en souffrant du virus qu'on reconnaît les surfaces rugueuses de notre inconscience. Qu'on reconnaît notre bonté qui n'était pas assez intelligente. Qu'on reconnaît telle affaire qui n'était pas assez intelligente. Qu'on reconnaît telle affaire qui n'était pas assez intelligente. Mais ça faisait partie de notre programmation. C'est fort, la programmation. Mm-hmm. C'était programmé. C'est fort. On a des signes astrologique, c'est fort. Mais éventuellement, on dépasse ça, fait que finalement, l'homme devient libre de ça. mais faut qu'il souffre. Tu peux pas devenir intelligent simplement en passant par l'écoute philosophique. L'écoute philosophique, c'est simplement un repère psychologique. Mais pour devenir intelligent, il faut que tu le souffres dans l'expérience. Puis finalement, le virus, tu le connais. Puis quand tu l'as suffisamment reconnu, là, éventuellement, tu n'es plus touché, là, tu es safe. Mais tant que tu n'es pas arrivé à ce point-là, tu n'es pas safe. Donc, tu vis l'expérience de la vie, puis babab, babab, babab. Faites beaucoup un parallèle entre le processus d'individualisation puis les relations politiques, disons, mettons, américaines. Est-ce que d'appliquer une politique dans notre vie d'isolation, ça renforcerait l'individu ou ça l'affaiblirait? Une politique d'isolation, c'est pas bon. Dans le sens que tu peux pas t'isoler dans la vie, là, c'est une illusion. Par contre, tu peux raffiner tes besoins à un tel point que tu es capable de réellement spotter les gens avec qui tu vas avoir une relation, puis tu n'as pas besoin de plus que ça. Pourquoi? Parce qu'elle est parfaite. Autrement dit, dans la vie, on se contente tellement de médiocrité que ça prend bien de la médiocrité pour parfaire nos besoins. Tandis que si on avait des gens qui ont réellement une conscience très, très développée, tu n'auras pas besoin de grand personne pour... C'est parce que c'est l'affaire des vibrations, ça. Tu sais, quand tu es rendu, là, que tu as des relations humaines avec des êtres, là, qui sont tellement sur un haut taux vibratoire, là, c'est tellement hermétique, cette relation-là, là, c'est tellement perfectionné que tu... C'est comme un gars... OK, je te le redonne. Bon. Mm-hmm. Un gars qui a conduit une Porsche, un speedster Porsche, tu sais, il est plus intéressé à avoir 7 Chevrolet. Mais tu dis, bon, ben, t'aimerais-tu avoir un qu'une speedster Porsche ou avoir une Chevrolet puis une Pontiac? Puis, il va dire, donne-moi une speedster Porsche. Bon, c'est un petit peu la même chose au niveau des relations humaines. Mais il faut que tu aies connu ça, la Speedster Porsche. Si tu n'as jamais connu ça, la Speedster Porsche, puis tu as toujours connu des Chevrolet, mais tu vas dire, bon, j'aimerais ça avoir 8 Chevrolet, 10 Chevrolet, 15 Chevrolet. Mm-hmm. Mais la journée que tu as touché à ça, l'autre affaire, autrement dit, que ton taux vibratoire au niveau des relations humaines est réellement ajusté avec du monde, là, puis c'est la paix totale, là. C'est la relaxation totale, là. Puis il n'y a pas de fourberie à aucun niveau. Mm. À ce moment-là, tu n'es plus intéressé aux 7 Chevrolet. Fait que c'est seulement dans ce temps-là que tu es capable de réduire le nombre de personnes dans ta vie, donc de ce que vous appelez, vous, s'isoler. Ouais. Mais une spéciseur l'hiver, c'est pas pratique. Non, je parle... Je vais emmener un coin. Parce que vous n'avez pas essayé ça, un spéciseur l'hiver. Mais le problème, c'est qu'une personne l'hiver et l'été, ça marche. Je donne un exemple. Mais je vais amener un autre point avec ça. Okay. J'ai de suite des idées. C'est que on peut pas rester isolé avec strictement quelques personnes. Un jour ou l'autre, il faut sortir dehors. Il faut rencontrer des conditions un petit peu plus anormales. Parce qu'on s'est créé une normalité et puis on est obligé de fonctionner avec notre environnement, ne serait-ce que pour travailler. Est-ce que l'individu doit avoir, exemple, une politique de gestion interne qui va être la speedster, puis une politique de gestion externe qui va être la Chevrolet dans certaines conditions? C'est une très bonne question. Ça dépend de sa puissance. Ouais. Je dirais qu'au niveau de la puissance de l'individu, dans la mesure où un individu est réellement puissant, c'est-à-dire dans la mesure où un individu est réellement capable de faire la gestion de toute son énergie, à ce moment-là, il est capable de rester au niveau de la speedster. Strictement. Oui. Puis c'est probablement rare là, que des êtres soient capables de faire ça, mais je sais que ça se fait. Ça, qu'un individu est capable d'être autarcique, là, d'être totalement autonome. Ouais, totalement autonome. Par contre, si on parle pour l'homme en général, là, effectivement, vous avez raison, il y a deux politiques, mais par contre, plus il va avancer dans la vie, plus il va tendre vers le speedster, plus il va tendre vers une politique interne, dans la mesure où il va devenir de plus en plus intégré dans son énergie. Parce qu'il faut que l'homme devienne intégré dans son énergie. Mm-hmm. Parce qu'oubliez pas une chose, il y a un mythe social qui existe, qui est très, très développé par la conscience américaine, la conscience européenne, ou même la conscience socialiste. Social, c'est que les hommes ont besoin d'être ensemble pour se formuler une réalité. Mm-hmm. Je dirais que c'est la base psychologique de toute sociologie. Mm. Puis ça, c'est une illusion si on regarde l'homme conscient. C'est une réalité si on regarde l'homme inconscient. Par contre, si on regarde, si on fait une analyse de l'homme, il faut que l'homme se situe dans une coupe d'évolution ou dans un autre, ou éventuellement il va être obligé de le faire. Un homme qui est dans une coupe d'évolution évolutive, éventuellement, il sort des conditions de la coupe d'évolution évolutive. Un homme qui est dans une coupe d'évolution évolutive, il ne peut pas appartenir à une coupe d'évolution évolutive, donc il va respecter les lois ou les paramètres de sa condition évolutive. Donc, comme on parle à des gens conscients, comme on parle à des gens qui s'en vont vers une certaine conscience, comme on parle à des gens ou à des hommes qui éventuellement vont fracturer ce que j'appelle le formulaire sociologique de la conscience planétaire, c'est-à-dire leur façon de se comporter en société, parce qu'ils vont arriver à avoir une gestion interne de leur énergie, à ce moment-là, l'homme va découvrir éventuellement qu'il est obligé, pour être bien dans sa peau, d'exclure le surplus d'inconscience. Mm-hmm. Qui vient s'abattre sur ses plages pour pouvoir bénéficier de sa solitude, de sa réalité intégrée. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, l'homme va être obligé de prendre des décisions qui vont à l'encontre du processus social, socio-culturel de l'évolution. Donc l'homme, dans un sens, va s'isoler. Donc, si on fait une allégorie, les gens qui vivent beaucoup au niveau de l'âme vont laisser apparaître les boat people sur leur plage. Hein. Ils vont laisser le monde qui quémande. Plus tu vis au niveau de l'âme, plus tu laisses apparaître les boat people au niveau de ta plage. Plus tu vis au niveau de l'esprit, plus tu gardes les boat people à distance. Puis quand tu vis réellement dans ton esprit, dans le sens que tu es capable de faire une gestion intégrale de ton énergie, les boat people, tu les gardes totalement à distance. Mais tu les respectes. Tu vas pas tirer dessus, qui coule dans l'eau, mais tu gardes les bons pieds pour la distance. Pourquoi? Parce que, à un certain moment donné, dans l'évolution du mental, l'homme va découvrir les principes philosophiques de sa conscience planétaire. Ça veut dire que l'homme, éventuellement, va pouvoir s'instituer lui-même, par lui-même, à lui-même, pour lui-même, comme le régisseur de ses pensées. Parce que pendant l'évolution, on n'était pas le régisseur de nos pensées. C'était l'évêque au coin, ou le curé au coin, qui pensait au gouvernement au coin, qui pensait à où c'était l'idéologue, qui pensait à où c'était Mao Tse-tung, qui pensait à où c'était Mussolini, qui pensait à où Hirohito, qui pensait. Pour tout le monde. Où c'était Jean-Paul Sartre, qui pensait. Dans l'évolution, c'est l'homme qui va être le régisseur de ses propres pensées, au fur et à mesure où il va devenir suffisamment consistant avec sa puissance. Dans le sens qu'au fur et à mesure où il va être capable de supporter ce qu'il sait. Ce qui n'est pas évident, mais ce qui fait partie de l'évolution du mental. À ce moment-là, l'homme sera plus capable d'enregistrer dans sa conscience, dans ses corps subtils ou même physiques, d'enregistrer des chocs que les tribus de l'évolution créent et qui font partie du consensus évolutif. Je donne un exemple. Quand je parle des chocs des tribus de l'évolution, l'égrégore musical aujourd'hui, le fait que tu n'es pas capable d'aller une place d'un restaurant nulle part sans écouter cette crise de musique-là. Hein? Le fait que la majorité, la médiocrité vont aller au forum pour écouter ces divas du son qui font des millions pour endormir des masses qui aiment ça se faire endormir parce qu'ils n'ont pas de centricité, ainsi de suite. Même chose au niveau du cinéma, même chose au niveau de la mode, même chose au niveau de tout. Fait que l'homme, une fois qu'il est rendu régisseur de ses pensées, automatiquement, il va se garder à distance des tribus de l'évolution. Ça veut dire qu'il va être obligé, finalement, de s'organiser un plan de vie personnel qui va être extrêmement moderne, mais très, très, très à la mesure. Quand tu es conscient, tu vas plus chez tout porter tes chemises, tu t'es fait faire sur mesure. Mm-hmm. Une façon de parler. Oh ouais. Bon, ben, quand tu es conscient, ta vie, c'est comme une chemise. Elle est faite sur mesure. Les coffres sont faits sur mesure. La longueur est faite sur mesure. La taille est faite sur mesure. Quand tu es inconscient, ta vie, tu vas l'acheter chez Eaton ou chez Sears. Mm-hmm. Ça veut dire vraiment... Même si vous n'aimez pas ça parce que vous êtes des philanthropes de la pensée ou vous êtes des êtres qui avaient tendance à mettre de la valeur sur les grandes valeurs de l'évolution, vous allez réaliser éventuellement que dans l'évolution, c'est un autre cycle de pensée, c'est une autre façon de régir ses pensées, son énergie, puis que ça donne naissance à un nouvel âme, une autre façon d'être, puis que tu es obligé d'avoir le mental froid pour pouvoir finalement dompter ta médiocrité, dompter ton impuissance, donc dompter les attributs de l'évolution qui, caractéristiquement, ont affaibli ton ego et ont donné à ta conscience personnelle l'impression d'être une bibitte ou un numéro ou un moineau qui attend sa mort. Qu'est-ce qui fait qu'un individu perd sa volonté? Ah, peux-tu parler de perdre sa volonté? On ne perd pas notre volonté. C'est pas qu'on perd notre volonté. C'est que les bases de la volonté nous sont graduellement siphonnées au cours de l'évolution. D'ailleurs, je suis content que vous me demandez ça. Parce qu'il y a bien des gens qui disent « Ah, ben moi, j'ai pas de volonté. Moi, j'ai pas de volonté. » Il y a des gens qui se questionnent « J'ai toute la volonté. » Puis, c'est pas que l'homme a pas de volonté. C'est que les mécanismes socio-culturels de l'évolution ont tellement mangé sa nature, sa grande nature, ou ils l'ont tellement mangé dans son naturalisme qu'il est plus capable finalement de se reconnaître. Puis moi, j'ai fait l'expérience avec ma fille, parce que ma fille, elle a été éduquée par moi pendant des années de temps, là, elle a un certain âge, puis tu vois le contraste entre l'être qui fait partie de l'évolution, puis que l'être qui est né dans l'évolution, puis qui trouve très, très facile la manifestation de sa volonté quand c'est nécessaire. Fait que l'affaire de « on a-tu assez de volonté, on a-tu de la volonté », cette question philosophique qu'on se pose, on se la pose parce que les instruments qui définissent notre réalité psychologique en tant qu'ego ont été pendant l'évolution sapés par les forces sociales, par les gouvernements, par les systèmes de pensée, par l'Église, par les religions, par tout ce qui compose les attributs psychologiques de l'ego. Alors qu'un homme, quand il rentre dans sa conscience psychique, autrement dit, dans son état pur, dans son état intégral, autrement dit, qui participe réellement à sa lumière, à ce moment-là, les questions de volonté n'existent plus, et c'est à ce moment-là qu'il est capable de réellement faire la gestion de son énergie, donc de régir ses pensées, puis de passer de l'évolution à l'évolution, puis de mettre un frein à l'intrusion ou à l'invasion des tribus évolutives dans sa vie. Mm-hmm. Est-ce que n'importe quelle personne qui est dans une condition, disons, financière limitée, une condition affective limitée, peut se dégager des tribus sociales, que vous dites? Ce ne sont pas les conditions extérieures qui déterminent votre potentiel humain. Ce sont les conditions internes, autrement dit, votre capacité de réellement comprendre des principes de vie. À partir du moment où l'homme commence à comprendre des principes de vie, il commence à mettre de côté ou à réduire le potentiel des forces extérieures, la pauvreté ou comment ces forces-là l'affectent au niveau psychologique, puis éventuellement il rentre dans sa puissance. Parce que la puissance de l'homme, ça fait partie de son contact avec sa source. Mm-hmm. Donc, un homme qui est en puissance, autrement dit, un homme qui est capable de faire la gestion créative de son énergie, ça devient très, très facile pour lui d'être créatif. Mais pourquoi ça devient créatif? Ça devient facile pour lui de l'être. Parce que les blocages ont été éliminés. Mais pourquoi ils ont été éliminés? Parce qu'il a fait, finalement, il s'est raffiné, il a fait une étude, il a étudié un petit peu plus la vie. Fait que c'est pas les conditions évolutives de notre programmation qui sont un problème pour nous autres. Mm-hmm. À partir du moment où on commence à comprendre comment ça marche la vie, éventuellement on est capable de mettre un frein aux forces qui sont les tribus de l'évolution, puis finalement après un certain nombre d'années d'en arriver à se greffer à notre courant primaire. Mm-hmm. Mais pour ça, faut réellement étudier la vie comme elle marche. Donc, il y a différents niveaux d'études. Moi, je représente probablement un niveau d'études dans le monde. Il y en a d'autres niveaux d'études. Krishnamurti, c'est un autre niveau d'études. Steiner, c'est un autre niveau d'études. Il y a différents niveaux d'études. Il y a même des niveaux d'études au Québec. Alors, tu choisis un niveau d'études qui te convient le plus. Puis à partir du moment où tu choisis un niveau d'études qui te convient, autrement dit, une école, si tu veux, qui te convient, une école de pensée qui te convient, à ce moment-là, ben, tu raffines. Puis quand tu peux assister à cette école-là, tu passes à un autre. Puis quand tu peux assister, tu passes à un autre. Puis finalement, tu arrives à ta propre école, autrement dit, tu es capable de faire la gestion de ton propre mental seul. Puis à ce moment-là, ben, le problème des tribus qui affectent ta vie s'arrête. Le problème de ta programmation s'arrête. Puis là, finalement, tu rentres dans ton consensus personnel. Mm-hmm. Un homme conscient vit un consensus personnel. Il vit pas de consensus social. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, t'es bien. Fait que notre développement, c'est pas conditionnel aux ressources qu'on a autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben ouais, moi j'ai pas une grande éducation, pour moi, papa. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui sont périphériques à vous autres qui sont le problème. C'est votre capacité de vous instruire. Si vous êtes capable de vous instruire, à ce moment-là, vous serez capable de réduire l'échéance où ces forces-là vous influent. Fait que c'est toute l'affaire d'instruction personnelle. Vous pouvez, c'est inutile de blâmer les conditions extérieures, de dire, bon, mais c'est à cause des conditions extérieures que j'évolue pas. Vous n'évoluez pas parce que vous n'avez pas assez de lumière pour prendre conscience qu'il y a des sciences qui existent pour vous faire développer en conscience mentale les ressources nécessaires pour votre développement puis votre perfectionnement humain. À ce moment-là, ben, les forces extérieures qui, pendant l'évolution, vous ont réduit votre rythme, ainsi de suite, mais ils s'effritent, puis ils s'effritent, puis ils s'effritent, puis un jour, ben, vous êtes libre. C'est comme un œuf, ça. Tu casses la coquille, puis le jus sort. Mais quand tu casses pas la coquille, ben, tu laisses pogner dedans. C'est ça. Ben, tu verras jamais ton omelette. Il y a du monde qui ont peur de casser la coquille parce qu'ils sont bien dedans. C'est ça le problème de là. Fait que si vous commencez à venir en contact avec une institution comme la mienne, où moi je casse toute la coquille, parce que je fais rien à partir de l'évolution, donc tout ce qui fait partie de l'évolution, j'en brise la forme. Mais à ce moment-là, ben, c'est évident que ça ne va pas être facile. Mais par contre, ça va permettre à l'homme de finalement passer à son jaune d'œuf. Si vous n'êtes pas capable de subir le choc que ça crée pour qu'on soit coquille, ben, à ce moment-là, ben, vous allez toujours rester à l'intérieur un petit peu de votre coquille, mais vous ne serez jamais totalement un œuf liquide. Quand on est en contact avec notre source, on est à l'université toute notre vie. Quand vous êtes en contact avec votre source, vous devenez une université. Intéressant. Et plus une université. Tant que vous êtes à l'université, c'est que vous n'avez pas encore réellement pris le contrôle, fait la gestion de votre énergie. Vous n'êtes pas les seuls tuteurs. Vous n'êtes pas vos seuls tuteurs. Quand tu es en contact avec ta source, tu deviens ton tuteur. Tu deviens ton seul tuteur. Tu deviens ta seule mesure, tu deviens la mesure, tu es capable de regarder n'importe quoi de ce qui passe dans le monde, dire bon ben ça c'est bon pour les autres, ça fait partie des autres, tu es capable de respecter ça, mais ça t'influe pas toi, parce que tu n'es pas obligé d'utiliser tes émotions à la sauce sociale. Tu es plus capable de laisser le torfond social influer sur ton être, ainsi de suite. Fait que tu deviens indépendant d'esprit. L'indépendance d'esprit, c'est bien important, l'indépendance d'esprit. Quand je parle d'indépendance d'esprit, là, je parle pas d'indépendance d'esprit comme vous autres, vous parlez d'indépendance d'esprit. Être indépendant d'esprit, c'est réellement être indépendant dans l'esprit. Donc, une personne peut être indépendante d'esprit, ça, c'est une attitude, ça vaut rien. Il est indépendant des autres. Bon, t'es indépendant des autres, papa. Mais quand t'es indépendant dans l'esprit, t'es pas indépendant des autres. Au contraire, t'es en relation avec les autres. T'es capable d'être en relation avec les autres. Mais t'es en relation avec les autres quand tu veux. Mm-hmm. Fait que si les autres sont réellement créatifs, tu vas être en relation avec les autres facile. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème entre deux perfections. Ou entre deux niveaux de perfection. Il n'y a jamais de problème entre deux niveaux de développement. Il n'y a jamais de problème entre deux niveaux d'harmonie. Mm-hmm. Deux harmonies, ça va bien ensemble. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être plus harmonieux. Mais deux harmonies, ça va bien ensemble. Mais c'est quand tu n'as pas deux harmonies que là, tu as un problème. Fait que quand tu n'as pas deux harmonies ensemble, là, tu es obligé de réellement faire une étude judicieuse de tes relations pour éliminer les forces des tribus de l'évolution. Sans ça, ce qui est désharmonieux va te saper, va te manger, va faire de la corrosion. Donc, va t'abrutir, va t'appauvrir, ainsi de suite. Parce que tout a tendance, un petit peu comme l'eau, à descendre au plus bas niveau. Alors que l'esprit, ça descend pas au plus bas niveau. Ça monte au plus haut niveau. Fait qu'à un certain moment donné, l'homme de l'évolution va être obligé de réellement agir d'une façon totalement à l'envers de l'évolution. Pendant l'évolution, l'eau, elle cherche son plus bas niveau. Donc, dans le fond, le principe de l'eau qui cherche son plus bas niveau, le principe de la physique de l'eau qui cherche son plus bas niveau, ça équivaut un petit peu au principe moral de la chrétienté. Mm-hmm. Plus bas niveau. Ça équivaut au principe moral ou socio-moral ou socialiste des dictatures rouges ou blanches. Mm-hmm. Plus bas niveau. Fait qu'imagine-toi si on descend tout au plus bas niveau. C'est qui va créer l'imprimatur dans le plus bas niveau? Ben, ça va être les éléments en déchéance les plus machiavéliques, les plus satanisés. C'est ça. C'est quoi qui va mesmériser les jeunes qui n'ont pas d'éducation ou qui n'ont pas d'éducation? Les jeunes qui n'ont pas d'identité. Ça va être le rocker. qui va déchirer son linge sur la scène, puis qui va se promener avec des chaînes, tu sais, puis qui va prendre sa bière, puis qui va faire toutes sortes de grimaces musicales, ou qui va envoyer des signes à travers sa musique, tu sais, qui va faire que les petits qui n'ont pas d'identité un jour vont se suicider, tu sais. C'est ça le plus bas niveau. C'est dangereux le plus bas niveau. C'est pour ça que je suis antidémocratique. C'est pour ça que j'haïs la démocratie. J'haïs pas la démocratie parce qu'elle représente le plus haut niveau d'esprit d'une civilisation. J'haïs la démocratie parce que il y a un mouvement vers le plus bas niveau qui est manifestement exercé ou pris en contrôle par des éléments de bas niveau, donc des politiciens véreux, des écœurants, des musiciens réellement drogués, des peintres qui n'ont pas d'allure, des faiseurs de mode ou des modistes qui n'ont plus de sensibilité. Des disc jockeys qui n'ont pas de sensibilité sociale. Des curés qui n'ont réellement pas de sens moral. Des cardinaux qui se prennent pour des prophètes. Puis peut-être des papes qui vont un petit peu trop loin dans la gestion de la conscience d'une planète. Là, un exemple. C'est l'apocalypse. Quoi. Fait que ça fait partie de la dégénération d'une conscience sociale. Puis ça peut aller tellement loin, ça, qu'un jour, l'homme qui fait partie encore des tribus de l'évolution, puis qui regarde ce qui se passe, puis qui regarde les journaux, puis qui lit le journal de Montréal avec très peu de soleil, parce qu'il y a très peu de soleil dans le journal de Montréal, puis il déprime. Fait qu'un jour, l'homme va se prendre réellement en main, puis réaliser que les forces de la planète aujourd'hui font partie des tribus de l'évolution. Que vous regardiez ça à n'importe quel niveau, de temps en temps, t'as un rayon de soleil. De temps en temps, t'as des films de Walt Disney. De temps en temps, t'as des films de certains directeurs qui sont réellement qui illuminent. De temps en temps, t'as des poètes. De temps en temps, t'as des écrivains. De temps en temps, t'as des peintres. De temps en temps, t'as des musiciens qui amènent de lumière à le monde. Mais si tu regardes là, réellement là, toute la vague d'impression qui vient vers l'humanité, right now, laisse-moi dire que le ciel est beaucoup plus nuageux que de dégager. Autrement dit, si t'étais un pilote aujourd'hui, puis qu'il te demandait à toi le contrôle, what's the percentage of clearance, quand tu regardes le ciel, tu verrais que tu voudrais rester dans l'aérodrome. Mm-hmm. Comment ça fait que les gens sont aussi permissifs? Bien intéressant, ça. Les gens sont permissifs parce qu'on est rendu dans un âge où l'homme en a plein le cul de se faire dicter comment vivre. Donc, l'autoritarisme social, politique, religieux, spirituel, qu'on a subi pendant l'évolution, à l'âge moderne, on n'en veut plus, parce qu'on a été utilisé pendant l'évolution pour le développement, pour les assises de pouvoir. Hein? Nous autres, aujourd'hui, on va à Rome, puis on va voir Michel-Ange, puis on trouve ça merveilleux ce qu'a fait Michel-Ange, tu sais. Mais si on regardait l'histoire personnelle de l'artiste, du génie, de l'homme très, très très connecté à sa conscience astrale, Michel-Ange, pour être créatif comme il l'a été, puis les abus de la papauté sur cet homme-là, comment est-ce qu'on lui a imposé de... À ce moment-là, on verrait que ce dont on profite aujourd'hui dans notre civilisation, ça a été pour le développement, le maintien de pouvoir. Puis ce sont les hommes qui ont payé pour. Autrement dit, dans le passé, les hommes, les artistes, les innovateurs, les penseurs, les scientifiques, n'ont pas travaillé avec plaisir. T'sais, ils ont été obligés de travailler cachés. Galilée, Nostradamus. T'sais, les hommes, les grands, ceux qui ont osé réellement dépasser les bornes, ils ont été obligés de travailler dans l'ombre. Aujourd'hui, au 20e siècle, ben là, ça change. Mais l'homme a une petite crotte, l'homme a encore la mémoire. L'homme veut plus se faire dicter pourquoi la crise aux États-Unis, pourquoi le gars là, qui a fait sauter le building à Oklahoma. Parce que même s'il n'y a pas raison, ainsi de suite, il existe dans la conscience américaine le fait qu'on est parti de l'Europe, on a crissé la monarchie là, on est venu en Amérique, on s'est créé un gouvernement, on ne veut plus se faire renier par le gouvernement. Ça fait partie de l'anxiété américaine. Mm-hmm. Mais ça dénote le fait que l'homme est écœuré de se faire manipuler par en haut. Mais l'homme n'a pas les outils de se manipuler lui-même. Donc, automatiquement, il fait des gaffes comme ça. c'est pas suffisamment pour être réactionnaire. C'est pas suffisant de crier. C'est pas suffisant d'être contre. Il s'agit que l'homme passe de l'évolution à l'évolution, puis qu'il se retrouve en lui-même, finalement, il regarde ce qui se passe, puis il prend the best of what's happening, puis il arrête de faire sauter des ponts, puis il arrête de faire sauter des buildings, puis de tuer des enfants comme ils ont fait. Bon, on est dans cet état de crise-là présentement, puis cet état de crise-là va durer encore un bon bout de temps, parce que ça fait partie des... ça fait partie de la crise mondiale psychologique. Puis l'humanité va le vivre, parce qu'on est, on fait face constamment à une réorganisation du territoire psychologique. Garde les computers, garde l'Internet. Là, c'est la crise de l'Internet, là. Qui c'est qui va ramener ça? Il va y avoir de la police qui va ramener ça, là. Les gouvernements vont avoir un contrôle de ça, là. S'il n'y a pas de contrôle, mais les gars, ils vont pouvoir envoyer tout ça de cochonneries là-dedans, là, bababababab, ça continue toujours. Mal. Fait qu'il va venir un point dans l'évolution de l'humanité où l'homme va être obligé, finalement, de se sortir du contact avec les tribus de l'évolution, puis s'exercer à son propre, à sa propre gestion. Ça, c'est l'évolution. Mm-hmm. Fait que pour moi, il n'y en a pas de solution au problème humain. Il n'y a pas de solution au problème humain, il n'y a pas de solution au problème moderne, il n'y a pas de solution au problème des crises, il n'y a pas de solution au problème des races, il n'y a pas de solution au problème de l'évolution, parce que l'évolution, ça définit déjà l'impuissance. Mm-hmm. Puis comme on va de plus en plus, comme on va de plus en plus vers des états de grande fécondité, de grande fécondité au niveau de la liberté, mais c'est évident qu'il va y avoir un déraillement, puis c'est évident qu'on va... On va venir en contact avec des niveaux d'impression extraordinaires. Regarde les films qu'on a aujourd'hui, t'sais. C'est évident que les Américains font des films, puis c'est pété le film, puis ils mettent des budgets 40-50 millions là-dedans. Puis ça, quand ça arrive en Europe, tu vas à Paris, tu regardes les films, c'est tout. C'est Stallone qui est là, c'est Schwarzenegger qui est là. Ils sont en train de prendre la contrôle. Pourquoi? Parce que sont tellement forts sur leur capacité de manipuler l'impression avec des niveaux de perfectionnement technique que les Européens, quand ils présentent le petit Jean de Fleurette, le pipi leur tombe. C'est évident, tu sais. C'est ce qui se passe. Fait que là, on va arriver à un point. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils vont probablement développer d'autres techniques, là, tu sais, qui vont faire des films. Puis le film, il va être en trois dimensions dans ta maison. Fait que tu vas t'asseoir avec ton djinn, puis tu vas regarder ce qui se passe, là, dans une sorte d'étage spatial tridimensionnel, là. Quand est-ce qui va se passer? Ça va venir, ça. Mec qui en parle, tu prendras des stocks. Tu feras de la bourse. Mais ça va venir. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme va être de plus en plus bombardé. De plus en plus bombardé. Il va avoir des crises, puis il va avoir un ajustement. Puis là, on va revenir, on va passer de la gauche à la droite, de la gauche à la droite. Du libéralisme au conservatisme aux États-Unis. Tu veux savoir qui c'est qui va élire la nouvelle présidence en 96? Là, ça va être bien, bien conditionné par la coalition de la droite américaine. Là. Mais ça, c'est tout le renouveau chrétien là, à cause des abus qu'il y a eu. Fait que la race de l'évolution, les tribus d'évolution vont passer de la gauche à la droite, sont encore cycliquement perturbées par la strade. Mm-hmm. L'homme conscient ne pourra plus prendre ça. Fait que l'homme conscient va sortir du cyclisme astral, de la polarité, du beau, du pas beau, du bien, du pas bien, de l'élevé, puis du bon. Puis lui, il va sortir, puis il va rentrer dans la gestion de sa propre conscience. Finalement, il va être libre. Donc, en ce qui me concerne, la solution de l'homme, la solution humaine sur notre planète, c'est une solution qui va vers l'individuation de l'homme. Je parle de l'individuation de l'homme, je parle pas de l'individualité de l'homme. Mm-hmm. C'est pas parce qu'un être manifeste une individualité qui est conscient. L'individualisation, je crois que je suis obligé de créer un autre mot pour le couper des autres, pour dire l'individuation de l'homme. Quand l'homme va s'individuer, à ce moment-là, il va totalement sortir de l'impression de la cinquième race racine, puis automatiquement, il va former une nouvelle race racine, une race mentale, mais ça va être la gestion de cette race-là, le mouvement de cette race-là, l'évolution historique de cette race-là, la programmation universelle de cette race-là, ça va faire totalement partie de sa capacité de composer avec sa source. Ça va être nullement le résultat de sa capacité d'être en relation harmonique ou non harmonique avec les forces évolutives. Je comprends bien, Bernard. Les gens sont tannés de la domination, mais ils ont encore besoin d'autorité. Mais cette autorité-là, c'est eux autres qu'il faut qu'ils l'aient. Il va falloir que ça donne. Ouais. OK. La prise de contact avec notre autorité, qu'est-ce qui doit se passer dans l'être pour électrifier ce centre-là qui fait que l'individu projette une autorité, mais respecte son environnement. Projeter son autorité, ok, ça c'est bien, bien important, cette question-là. Projeter de la conscience créatrice, c'est de l'autorité. Oui. Fait que tu n'as même pas besoin de la projeter. Elle se dégage. Elle se dégage. Ça fait partie du taux vibratoire de la conscience créatrice. La conscience créatrice est autoritative, si tu veux. Mais si tu commences à mettre ton ego là-dedans, puis donner de l'autorité à ta conscience créative, elle n'est pas aussi créative ta conscience que tu penses. Elle peut être dominée à ce moment-là. À ce moment-là, ton autorité devient de la domination, puis un jour, les hommes conscients vont te rejeter. Parce que l'homme conscient, une fois qu'il va avoir appris son ABC, il va remettre tout en question de ce qu'il domine, parce que ça a été la source de sa souffrance pendant l'évolution. Fait qu'il n'y a pas un homme conscient, une fois qu'il est arrivé à un certain niveau de développement, qui va accepter d'être dominé par le matériel ou l'invisible. Puis c'est ça qui va faire que l'homme conscient va être un être libre, mais qui va être en autorité créative à cause de sa conscience, mais qui automatiquement va respecter l'homme. Vous pouvez pas avoir, s'il y a autorité et il n'y a pas de respect, l'autorité, c'est pas l'autorité dans le sens créatif du terme, c'est pas l'homme philosophique de Platon, c'est réellement de la domination sournoise, puis un jour ça va éclater. Il faut que ça éclate, parce que l'homme conscient ne peut pas indéfiniment s'assujettir à l'autre. Un homme conscient ne s'assujettit pas à l'autre. Puis quand je dis à l'autre, je dis à l'homme et aux forces occultes. C'est pour ça que l'homme conscient, ça va être un homme extraordinaire, parce que pendant l'évolution, l'homme inconscient s'est assujetti aux forces occultes à travers la spiritualité des religions. C'était nécessaire parce que l'homme devait se développer une conscience sociale suffisamment raffinée pour ne pas se frapper constamment, puis pour ne pas se lancer constamment des dards. Donc, ça faisait partie de l'évolution sociale, des doctrines européennes, ainsi de suite, pour le développement de la civilisation judéo-chrétienne. Mais maintenant qu'on est arrivé à un point où l'homme est suffisamment avancé au niveau mental, il va falloir qu'il se prenne en main, parce qu'il va falloir qu'il sorte du giron des anciennes autorités politiques, idéologiques, spirituelles, religieuses, puis qu'il devienne sa propre autorité. Et pour ça, il va falloir qu'il fasse un choix fondamental. Et ce choix fondamental-là, il est basé sur sa capacité d'affronter la réalité de l'évolution face à face. Un homme qui n'est pas capable d'affronter ce qui a été fait ou établi pendant l'évolution, qui appartient à n'importe quelle race. Si tu es un japonais, puis tu n'es pas capable d'affronter les conditions ou les conséquences du shintoïsme sur ta conscience sociale en tant qu'individu, tu es fait à l'os. Si tu es un Allemand et tu n'es pas capable d'affronter les conditions d'un père germanique sur ta conscience individuelle, tu es fait à l'os. Si tu es un Italien et tu n'es pas capable d'affronter le pouvoir des dictatures spirituelles religieuses en Italie sur ta conscience, tu es fait à l'os. Si tu es un Américain et tu n'es pas capable d'affronter le pouvoir de ce que j'appelle l'évangélisme un petit peu perdu, tu es fait à l'os. Si tu es un Canadien et tu n'es pas capable d'affronter la qualité d'être juste au milieu, jamais être d'un bord, jamais être de l'autre, faire plaisir à tout le monde, t'es fait à l'as. Fait que tu sois dans n'importe quel pays, tu vas avoir quelque chose à décider par rapport aux paramètres de l'évolution qui conditionne ce pays-là et qui automatiquement te conditionne et qui t'enlève à toi en tant qu'individu le plus simple. Fait que les hommes soient de n'importe quel pays, que ce soit des Indes, la Chine, la Russie, wherever you come from, you're going to have to make decisions one day, and those decisions will be based on your capacity to really evaluate what is not of your reality. Fait que ce qui ne fait pas partie de ta réalité, il va falloir que tu l'élimines. Puis ça fait partie du mandat cosmique, universel, appelez ça comme vous voulez, de l'homme conscient. Puis c'est ça la conscience. Puis c'est totalement individuel, c'est totalement personnel, ça n'a rien à faire avec ton beau-père, ta belle-mère, puis juge de paix, puis curé. Merci beaucoup. On prend un petit break, une demi-heure, et on revient. Merci.